chez les trous de mémoire qui voudraient se faire oublier de ces années de purgatoire. Ils gardent pages raturées, pleines de rêves dérisoires et de lubies alambiquées, en flottant sur la rivière. Un peu comme un petit bouchon qui va de l'ombre à la lumière avant de piquer vers le fond. Il a suivi sa trajectoire et ses dérives mal rêvées de tous ses projets illusoires. C'est bien arrivé le nez. On apprend si peu des victoires et tant de ce qu'on a raté. Il n'aura pas connu la gloire, c'est peut-être autant de gagner. On flotte un temps sur la rivière, un peu comme un petit bouchon qui va de long la lumière avant de piquer vers le fond. Il dit, j'ai fait ce que j'ai pu pour tenter de lire les signes. On vit des vies à courte vue, on cherche à détourner la guigne. Longtemps dormi puis trop couru, finaux dents avec les consignes, transigeant avec l'inconnu, en essayant de rester digne, en flottant sur la rivière, un peu comme un petit bouchon qui va de l'ombre à la lumière avant de piquer vers le fond. Piquer vers le...